Pourquoi est-ce que l'homme pense que vous êtes nu? Parce qu'il est habitué à des vêtements? Alors, va donc parler d'être tenu à un chien, il ne comprendra pas. Pas tenu, pourtant il est tenu. Voilà. Je veux dire qu'après tout ça, c'est là que tu prends une identité. C'est là que tu découvres ton identité. Ton identité, c'est la façon dont tu projettes ta personne. Sur le plan où tu es, exactement, matériel, éthérique. Non. Tu découvres jamais ce que tu es. Tu sais ce que tu découvres de toi-même au fur et à mesure que tu le crées, ça. Autrement dit, bon, on va prendre moi comme exemple, c'est un bon modèle. Là. Moi, je sais qui je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Je sais qui je suis parce qu'au fur et à mesure que je parle, je découvre ce que je dis. Je découvre ce que je parle. Je découvre ce que je dis. Mais si tu me demandais qui que t'es, Bernard, je pourrais te dire bien des affaires. Je pourrais te dire, bon, ben, moi, et puis je te le dirais. Toujours en fonction de ta vibration, pas en fonction de la mienne. Fait qu'en fonction de ta vibration, peut-être que je te dirai telle chose, peut-être que je... Lui, s'il me le demanderait, mais je dirais telle chose. Lui, s'il me le demanderait, je dirais telle chose. Puis je peux vous dire à toutes vous autres différentes choses de ce que je suis. Qu'on a tout. Mais moi, personnellement, je sais pas ce que je suis parce que si je savais ce que je suis, j'aurais la conscience de ce que je suis. Puis tu peux pas avoir la conscience de ce que t'es parce qu'avoir la conscience de ce qu'on a, c'est avoir la conscience de notre personnalité. Fait que pour moi, savoir qui je suis, c'est le fun si Croteau me le dit. Là, c'est plus pareil. Si Croteau vient me voir et il dit, Bernard, j'ai découvert telle chose, à ce moment-là, il va dire, t'as raison. À ce moment-là, Croteau, il m'explique ce que je suis à moi. Fait que s'il m'explique ce que je suis, à ce moment-là, je prends conscience de l'intelligence de Croteau. Fait qu'à ce moment-là, moi, qui je suis, je ne sais pas. Mais je sais. Parce que je peux le dire. Mais je ne sais pas. Parce que je peux pas penser à qui je suis. Parce que je suis pas dans ma personnalité. Fait que savoir être qui ce qu'on est, ça veut dire qu'on est, ça implique qu'on pense à ce qu'on est. Puis pas savoir qui ce qu'on est, puis savoir qui ce qu'on est en même temps, c'est pas pouvoir le penser, mais pouvoir le dire. Si les conditions le requièrent. Mais t'as jamais de mémoire pour te l'enregistrer, fait que tu ne sais jamais qui ce que t'es. Parce que t'as jamais la capacité au niveau de ta personnalité de te rappeler qui ce que t'es. Tu le dis, mais il te sert pas au niveau de ta personnalité. Il sert aux autres. Mais toi, tu n'as pas de besoin parce que tu es dans ta personne. Si je suis dans ma personne, je suis. Parce qu'automatiquement, je suis dans mon intelligence. Si je suis dans mon intelligence, je suis dans l'intelligence. Puis je suis dans l'intelligence, je suis créatif. C'est ça que j'ai besoin. Fait que si je suis bien créatif, puis si je deviens un grand scientiste, puis si je peux changer bien des conditions au niveau de la science, oui, là, pourquoi, à ce moment-là, je suis ça. Le monde peut se dire, bon, Bernard, il est bien fin, il est bien ci, il est bien ça. Mais ça, c'est le monde qui font des observations sur ce que je fais. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Le problème de la personnalité existe. Mais quand on a une identité, on lui donne un nom. C'est le nom qu'on lui donne, à part de celui qu'on lui donne. Quand on a une identité, on a un nom. Mais le nom qu'on lui donne, c'est toujours le nom qui vous a été donné, vous autres, avant que nous autres, on l'ait employé sur le plan matériel. Si les gens savent que, par exemple, il y a un maître qui s'éveille qui se pouvait venir, parce que peut-être aucun des gens planétaires, peut-être pas tard, à ce moment-là, puis des gens disent, bon, mais, t'es-tu mec qui s'éveille, t'es-tu régent planétaire, mais à ce moment-là, tu peux dire oui, mais c'est parce qu'il a déjà été donné, ce nom-là. Mais si le nom n'avait pas été donné, moi, je ne l'aurais pas dit. Parce que tu peux pas dire à l'homme des choses que l'homme n'a pas été déjà informé par télépathie avant pour l'évolution de sa propre spiritualité. Parce que quand tu es un être cosmique, tu ne viens jamais sur une planète pour informer ceux que tu rencontres. Tu viens sur une planète pour faire un travail. Ceux qui informent le font avant le temps. Regarde le Nazaréen quand il était à Jérusalem, il disait à Jean-Baptiste, il disait qu'est-ce qu'on dit de moi? Exactement. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Autrement dit, il se servait du matériel. Fait que si Jean disait, ben, vous êtes le Messie, bon, il disait, c'est correct, ça marche. Tu vois, là? C'est le même mécanisme. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il disait de lui, en tout cas, pour être capable d'ajuster ce qui était à eux autres. C'est ça. Exactement. C'est pour ça. Il m'avait dit, c'est ça. Il m'avait dit, si Nazaréen était descendu, il avait dit, je suis Michael de Nébadon, il avait dit, cette affaire-là. Ça n'a pas marché, tu connais. Parce que l'intelligence, elle est instantanée et elle s'accorde toujours au temps où elle est active. Fait qu'il prenait le matériel de son temps, puis il disait, moi, des fois, quand je veux savoir, des fois, je veux relaxer, puis je veux savoir des choses. Je veux aller voir des gens qui sont suffisamment dans leur intelligence. Il m'a dit, parle-moi donc, moi, un petit peu. Ben ouais, ma femme m'a dit, parle-moi de ma femme. On va me jaser un petit peu. Mais elle aime plus ça, ça fatigue. On va croître tôt. Là, c'est le fun, parce que j'apprends des choses. Fait que c'est bien subtil, la personne. La personne, c'est bien plus. La personne, c'est bien plus en dehors de la conscience humaine qu'on s'imagine. C'est bien en dehors de la conscience humaine, la personne. C'est bien en dehors, c'est bien loin de la personnalité de la personne. La personne, c'est extraordinaire, la personne. Ça se qualifie même pas de la personne. La personne, c'est ce qui est le plus près de ce que vous appelez, vous autres, le sens d'être. Tu sais, être, là. Bon, mais le plus près de ça, là, c'est ça de la personne. Au bout de ça, de qu'est-ce que c'est être, là? Essence, là. C'est ça de la personne. Quand t'es dans ta personne, t'es dans ta personne. Tu peux pas être en dehors de ta personne. Fait que t'as pas de problème de personnalité. Fait qu'automatiquement, t'as pas de problème psychologique. Fait qu'automatiquement, mais t'es dans l'intelligence qui se canalise à travers cette personne-là. Puis t'es ça. Fait que selon l'énergie d'intelligence qui se canalise dans la personne, mais t'es ça. T'es ça, ou t'es ça, ou t'es ça, ou t'es ça. C'est la multidimensionnalité de la personne. La multidimensionnalité de la personne, c'est le pouvoir de la personne de se reconstruire sur différents plans. De jouer le jeu des éthers. La personne est capable de jouer le jeu des éthers. Des sept éthers. C'est pour ça que c'est si important, la personne. C'est pour ça que je déteste tant le communisme. Parce que le communisme, dans son essence fondamentale, dans sa traduction philosophique ou idéologique du sens de l'évolution, détruit le potentiel de l'homme qui l'amène éventuellement vers sa personne. Parce qu'il lui force à accepter une autre personne qui est mégapolitique et qui est la Russie. Qui est la nation, qui est la collectivité. Fait que, demandez-vous pas pourquoi est-ce que je déteste le communisme. Il n'y a pas d'individualité. Le système ne permet pas. Mais l'individualité n'est pas créée par le système. Mais le système, déjà, détruit l'évolution naturelle de la personnalité vers une recherche profonde de ce que pourrait être l'individualité, permettant à l'homme, éventuellement, d'entrer en contact avec des hommes ou des sociétés qui peuvent faire vibrer cette énergie-là en lui. C'est pas que c'est très mauvais. Sur le plan politique, géopolitique, il y a des aspects de ça qui sont bons, ainsi de suite, la socialisation de l'homme, ainsi de suite. Mais c'est encore une déformation de ce que l'homme sera dans sa socialisation plus tard. De la même façon que le capitalisme déforme la vraie liberté de l'homme, mais au moins la liberté capitaliste que l'homme possède, c'est une liberté suffisamment élastique pour que l'homme, comme moi, par exemple, qui est totalement marginal, ait la capacité de parler en public sans se faire zigouiller et amener devant le ton d'exécution. Fait qu'il y a des... C'est pour ça que je dis tout le temps, les forces d'Admiel sont beaucoup plus près de l'Amérique que de la Russie. Mais on va pas rentrer là-dedans. Quand tu es dans ta personne, automatiquement tu es dans ton intérêt vital. Parce que quand tu es dans ta personne, tu peux pas faire des choses qui ne coïncident pas avec ta personne. Puis c'est ça ton intérêt vital. Ton intérêt vital, à fond, c'est faire ce qui coïncide avec ta personne, mais pas avec ta personnalité. Puis c'est pour ça que c'est si difficile pour l'homme de découvrir son intérêt vital. Parce qu'il est caché à sa personnalité, il est connu de sa personne, mais c'est seulement quand il est dans sa personne qu'il le connaît. C'est l'homme maudit de découvrir son intérêt vital. Puis l'intérêt vital, c'est ça que tu te... Ah, ça c'est intéressant. L'intérêt vital, tu ne le connais jamais parfaitement et totalement. Tu le connais dans ton expérience, mais c'est sans fin, ton intérêt vital. L'intérêt vital, c'est aussi infini que ta personne. Quelle est la vie aussi? Ben oui, ça fait partie de la vie. L'intérêt vital. Ah, c'est un autre point, ça. Ça peut être infini. C'est infini, l'intérêt vital. Tu commences sur le plan matériel, comme moi je vis mon intérêt vital là, sur le plan matériel. Moi, surtout que tu changes de plan, ça continue dans l'intérêt vital. Dans de la personne. Plus tu évolues, plus tu élargis ton intérêt. À un certain point, tu n'évolues pas. J'aime plus ça, le point. À un certain, quand tu parles de la personne, là, tu ne peux plus parler d'évolution. Le mot évolution est bon pour l'homme tant qu'il parle de sa personnalité. Mais une fois que tu es rentré dans ta personne, tu ne parles plus d'évolution, tu parles de création. Plus tu rentres dans... Plus tu rentres dans ta personne, plus tu es créatif. C'est ça. Parce qu'éventuellement, le mot évolution devient un insulte à la personne. Parce que quand tu es rendu dans ta personne, tu n'as plus rien à apprendre. Parce que tu es en fusion. Fait que si tu es en fusion, tu ne peux rien apprendre. Fait que tu découvres, mais tu n'apprends rien. Il y a une différence entre découvrir et apprendre. Apprendre, c'est réaliser quelque chose que tu ne comprenais pas. Découvrir, c'est voir quelque chose qui était en dehors de ton champ d'expérience et pouvoir le manipuler instantanément. Tu peux toujours tout manipuler quand tu es à ce niveau-là. Ouais. Quand tu es à ce niveau-là, tu peux tout manipuler parce que tu es toujours dans l'intelligence. Fait que tu découvres, parce qu'il y a des expériences qui viennent vers toi, mais instantanément, surtout qui viennent, tu comprends. C'est de la créativité. C'est de la créativité, ouais. C'est pour ça que ce sera si important pour l'homme, la sixième race, de vivre, de créer un éther, parce que l'homme de la sixième race ne pourra pas créer sans éther. Parce que la personne qui est créative ne peut pas, à cause du fait qu'elle est une personne, ne peut pas travailler avec un être qui n'est pas dans sa personne. Il ne peut pas travailler avec un être qui est simplement dans sa personnalité. Il peut temporairement, mais éventuellement, à longue échelle, il ne peut pas. C'est pas que c'est une insulte, c'est qu'il n'y a pas assez de compréhension, il n'y a pas assez d'intelligence. L'énergie ne circule pas. Il y a toujours un blocage dans la personnalité. L'éther, c'est bien important. L'éther social, l'éther collectif. Mais un éther collectif, dans le sens que tous les êtres qui font partie de cet éther-là ont leur propre éther, c'est ça qui crée cet éther collectif. C'est un éther qui est créé par chaque individu. Mais comme il est sa même longueur d'onde, ça fait un éther commun. Uniforme, homogène. Ouais. Fait que quand l'homme, c'est ça qui créera la nouvelle civilisation. Viendra un point sur la Terre où l'éther collectif, cet éther commun sera suffisamment dense pour créer une nouvelle civilisation. Ça va prendre un certain nombre de personnes, mais pas tant que ça. En bas de 200 000. Quoi? De là, un gouvernement universel, parce que quand tu es dans ta personne, tu as accès à l'éther. Quand tu es à l'éther, tu as accès au matériel par le biais du pouvoir éthérique ou par le biais du pouvoir du corps éthérique. Fait qu'à ce moment-là, tu peux facilement projeter ton corps éthérique dans la matière et parler à des gens par télépathie. Puis là, ils sont obligés de t'écouter parce que c'est un problème de pouvoir. Quand vous en parlez, on peut comme se sentir concerné. Moi, un éther, la conscience de l'éther, c'est cette conscience qui fait que la personne devient plus consciente d'elle-même. Plus vous devenez consciente de vous-même en tant que personne, plus vous vous sensibilisez à votre éther. Et l'éther devient pour vous de plus en plus forte, de sorte que l'éther devient un champ de force, parce que l'éther, c'est un champ de force. Alors, l'état mental, émotionnel, astral, vital, c'est un champ de force. Et cet état-là doit être totalement raccordé à l'énergie de juste la pensée ou de l'intelligence. C'est un champ de force, l'état. Qui agit sur les plans inférieurs à cause de sa vibration. Mais vous ne pourrez pas agir avec votre état sur les plans inférieurs tant que votre état ne sera pas parfaitement équilibré. À ce moment-là, mais vous pourrez commander la matière à obéir à votre volonté parce que votre volonté fera partie de cet état-là. Et vous ne pourrez pas le faire pour des raisons de personnalité, ou des raisons d'ego, ou des raisons de démonstration publique. Ça fera partie de votre conscience, de votre conscience. Faut plus faire partie d'un éther pour avoir du pouvoir sur cet éther. Faut? Faut ne plus faire partie d'un éther pour avoir du pouvoir sur cet éther. Pour avoir du pouvoir... Je suis encore dans l'astral. Ouais, ça c'est intéressant. Je ne peux pas avoir... Ça c'est intéressant. Bon, je vais donner un exemple. Supposons que tu veux aller visiter les morts. Si tu veux visiter les morts, tu peux pas aller visiter les morts en appartenant à l'éther astral. Il faut que tu sois dans un éther plus subtil. Et l'homme, les hommes qui disent, bon, ben, j'ai vu mon grand-père hier soir, ils le voient à travers leur éther astral. Puis dans le fond, ils ne vont pas dans le monde de la mort. Ils expérimentent la réflexion de la mémoire de leur grand-père, ainsi de suite. Si un homme allait dans le monde de la mort, dans cet éther-là, il serait obligé de le faire avec son corps éthérique, puis à ce moment-là, il s'apercevrait que le monde de la mort, c'est un monde qui est aussi réel que le monde ici. Il n'y a pas de différence. Puis, il s'apercevrait que sa perception du monde de la mort est très différente de sa perception du monde de la mort quand il le voit par le biais du corps astral. C'est un peu comme si tu regardes à travers la vitre. Tu sais, des fois, tu regardes à travers la vitre, t'as beau dire que tu es une vitre chez vous, mais t'es pas dehors. T'es encore dans la maison. Il y a une séparation, c'est que t'es pas dehors. Tu vois dehors, tu vois des arbres, mais t'es pas dehors. Aussitôt que tu sors dehors, il y a une autre terre. Mais c'est un petit peu la même chose avec le monde de la mort. Puis il n'est pas permis à l'homme encore de visiter les morts. Il est permis à l'homme de vivre l'expérience de la mémoire des morts. Mais il n'est pas permis à l'homme de visiter les morts. L'homme visitera les morts quand il sera dans son corps éthérique, puis il se produira quelque chose de bien intéressant. Bien intéressant. On en parle un jour. Parce que le monde de la mort, c'est pas ce que les gens pensent. Puis c'est pas ce que les gens pensent de par leur expérience en contact astral avec le monde de la mort. Quand je vais l'expliquer ça, on va découvrir des choses bien intéressantes. Peut-être vous l'expliquer. C'est bon. Actuellement, le monde astral, il y a une bulle. Est-ce qu'en Pélienne, ça sert quand même à une certaine forme d'évolution? Bon. Un contrat de service. Mais à un moment donné, est-ce que la science ne sera pas comme renversée? Dans le sens où ces là, on aideront. Bon, moi vous explique qu'est-ce que c'est le monde de la mort, ça fait que ça va vous faire comprendre quelque chose. Le monde de la mort réel, le monde mort. Le monde de la mort réel, c'est un monde. Je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer bien, oui, parce que c'est des choses qui ne veulent pas sortir trop vite. Le monde de la mort réel, c'est un monde dans lequel la conscience essaie de suivre le mieux possible, là. C'est un monde dans lequel la conscience de l'âme a été transformée en une conscience animale pour permettre au monde animal de bénéficier temporairement de l'expérience de l'homme afin de permettre au monde animal d'évoluer. Puis regarde bien, c'est intéressant. Tu sais que si tu lis les textes orientaux, il y a la fameuse théorie de transmigration, tu sais, quand ils disent que l'homme revient à l'animal. Ça, c'est une erreur philosophique. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont mal catché quelque chose. Les orientaux ont mal saisi une réalité, et en saisissant mal la réalité, ils ont interprété mal cette réalité-là, et ils ont créé une fausse philosophie, de sorte que beaucoup d'orientaux pensent que quand l'homme revient dans l'animal, qu'il y a des hommes qui reviennent dans l'animal. Ça, c'est impossible. Mais ce qu'ils ont perçu, c'est un aspect de ce que je vous dis là. Puis, c'est intelligent. Ils ont tellement pas voulu que ça soit su, ça, pendant des siècles de temps, parce qu'ils savaient que si ça avait été su, ça aurait été mal interprété. Enfin, ça n'a pas été su. Comprends-tu? Puis, ils ne me permettraient jamais de l'écrire, ça. Ils vont me permettre de le dire. Mais il ne me permettra jamais de l'écrire. Parce que quand, si c'était écrit, ce serait sujet d'interprétation. Tandis que quand c'est dit, mais c'est dit sous mon contrôle, parce qu'on a un espace fermé. Alors, le monde de la mort, c'est un monde dans lequel l'expérience humaine sert à l'évolution du monde animal. Et c'est pourquoi c'est si important pour l'homme de développer un jour sa personne. Parce que quand l'homme a développé sa personne, il ne retourne plus dans le monde de la mort, de sorte que ses énergies, les énergies de son expérience, ne servent plus au monde animal. Ses énergies de son expérience servent au monde de l'homme. De sorte que l'homme, dans le monde de la mort, il est obligé de servir à l'évolution du monde animal, et le surhomme qui sera en dehors du monde de la mort servira à l'évolution de l'homme, parce que l'homme aura besoin de la mémoire du surhomme pour pouvoir retenir suffisamment d'énergie appartenant à l'humanité à cause de la vibration pour qu'il puisse Tu vois, là, c'est, j'ai bien de la difficulté à parler. Là, ça ne sort plus. Là. Ça, tu sais, quand ça coule pas, là, c'est parce qu'ils veulent pas en parler. Mais il me donne un petit peu un aspect du monde de la mort. Je comprends. C'est l'involution. C'est ça, l'involution. C'est l'involution qui fait. Oui, exactement. Exactement. Puis. Là où l'involution, c'est avec. Le surhomme. Non. C'est comme. Il y a deux évolutions, frère. Il y a deux évolutions. Il y a l'involution. Mm-hmm. Bon. Puis après ça, il y a l'évolution qui est la polarité, l'autre polarité de l'involution. Moi, ouais. J'appelle ça l'évolution. Ouais, mais là, écoute, là, ils veulent pas en parler. Comprends-tu? Ils brouillent tout mon esprit. Ils veulent pas en parler, mais je vais en reparler. Ils disent qu'il faut que j'attende encore un petit bout de temps. Mais ça nous donne un petit peu une idée. Comprends-tu? En tout cas, je veux juste dire d'abord que je comprends quand tu dis qu'avant d'ailleurs, l'homme n'existait pas. Ouais. Ah. Mais il fait rien. Que l'homme est venu là, ben, avec l'époque raciale. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de race. Il n'y a pas de race. Exactement. J'appelle ça des races très fines. Ouais. Encore, je vais en revenir. Là. Mais ils ne veulent pas que j'en parle là parce que. La personnalité, pour revenir. Tu sais, quand je dis, moi, là, j'ai pas commencé à parler encore. Tu sais, je disais dernièrement, ça fait 3 ou 4 mois que je dis ça. Là, je dis dernièrement, je commence à découvrir qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Je commence. C'est qu'est-ce que c'est découvrir qu'est-ce que c'est de l'intelligence? C'est découvrir que tout ce qu'on sait puis tout ce qu'on pense, c'est pas ça. Comprends-tu, je veux dire? Oui. Découvrir qu'est-ce que c'est de l'intelligence, là, c'est découvrir que tout ce qu'on sait puis tout ce qu'on pense puis tout ce qu'on a appris puis tout ce qui a été écrit puis tout ce qui a été su, c'est pas ça. C'est ça, découvrir qu'est-ce que c'est l'intelligence. Puis ça fait 3-4 mois que je commence à découvrir ça. Puis quand tu dis, là, par exemple, que quelqu'un commence à se concentrer, ça va vite, c'est parce que les formes, ils changent vite. Mmh. Ils se forment vite. Parce que dans l'intelligence, tu peux plus avoir de forme. Ça va tellement vite que ça rentre, ça passe vite au-dessus des formes. Oui. Comme ça, Adam et Ève ont fait leur erreur de mutation avec des animaux. Laisse-moi tranquille. Ça va sortir, ce matériel-là. Plus j'avance dans le temps, plus je réalise l'importance que l'homme sache tout. Mais plus je réalise aussi qu'il y a un temps pour chaque chose, puis plus je réalise l'intelligence dans chaque chose. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souffre plus de dire « Ah ben, je peux pas en parler. » Avant, ça me créait bien des tensions quand je disais ça. Ça me fendait en face. Puis aujourd'hui, je n'en souffre plus. Puis la raison pour laquelle j'en souffre plus, c'est parce qu'ils m'ont donné le pouvoir d'aller dedans. T'sais? Je le sais, là, que je suis capable de sortir complètement puis de tout tourner à l'envers. Fait que le fait que je l'ai fait, puis je suis capable de le faire, mais ça me relaxe. Vraiment là-dessus, là, il y a quelque chose qui me vient depuis tantôt, puis je me dis, oh, on en parlait tout seul, on n'en parlait pas ici, mais c'est la différence, tu l'as souligné à quelques reprises, mais ça a été très bien subtil. C'est la différence entre le corps astral et le corps de désir. Puis le corps de désir, là, c'est ça qui fait que on est bien quand ça arrive pas de suite. Pour moi, la différence fondamentale à notre niveau de compréhension, en tout cas à mon niveau là, de compréhension, là, c'est de voir le corps astral, lui, il veut quelque chose de suite. Il veut de suite une gratification. Égoïque, par exemple, je vais avoir une auto de suite. J'ai pas d'argent, mais je l'avais de suite, j'avais tout. Tandis que le corps de désir, lui, ça va ça, c'est ça qui attire l'éther. Comprends-tu? Mais c'est pas de suite pour la souffre pas du temps. Quand c'est un désir du corps de désir. C'est égoïque pareil. Mais ça fait partie de l'ego, mais ça fait pas partie de la... C'est pas astral. Comprends-tu? Ouais. Mais c'est parce que l'expérience de l'homme en relation avec le désir, l'autorité en fonction de l'émotion, de sorte qu'on a toujours établi une relation entre le corps astral et le corps de désir. Mais le corps de désir peut ne pas être dans la conscience astrale, il peut être dans la conscience mentale. Et c'est quand le corps de désir est dans la conscience mentale que ce corps-là descend les énergies et que l'homme ne souffre pas du temps. Tant que le corps de désir n'est pas situé dans la conscience mentale, autrement dit, que l'homme n'a pas l'intelligence du temps vis-à-vis une chose dont il a besoin, à ce moment-là, c'est le corps astral qui lui donne l'énergie nécessaire pour maintenir la forme. Et automatiquement, il souffre du temps parce qu'il n'est pas capable de la concrétiser tout de suite. Fait que ça, c'est un problème de langage, c'est un problème de communication, c'est un problème de compréhension. Et effectivement, ce qu'on appelle le corps de désir, dans le fond, c'est la conscience d'un désir, soit située dans la conscience astrale ou soit située dans la conscience mentale. Alors, plus l'homme est dans la conscience mentale ou supramentale, plus le corps de désir, autrement dit, le désir lui-même ou la formation du désir, est contrôlé par l'intelligence, plutôt que la partie viscérale de l'homme. Ce qui a fait descendre l'homme dans la matière, c'était le corps astral, parce que le corps astral est suffisamment près de la matière animale pour permettre à l'âme de découvrir un plaisir de réflexion dans son expérience. Alors, la réflexion qu'a découvert l'âme dans son expérience était sa capacité de vivre simultanément sur le plan astral et sur le plan de sa propre nature. On va vous en parler de ça. La nature de l'âme, le plan de la nature de l'âme, c'est le plan de l'esprit de l'intelligent. Quand l'âme est descendue dans la matière, au lieu de vivre sur le plan de l'esprit de l'intelligence, il lui a été permis de vivre sur le plan de la conscience astrale. Mais étant sur le plan de l'esprit de l'intelligence, elle pouvait avoir l'intelligence de son expérience. Et petit à petit, elle a tellement développé l'intelligence de son expérience qu'elle a réalisé l'importance de son expérience. De sorte que le lien avec la conscience astrale de l'homme est devenu de plus en plus fort, puis éventuellement l'âme, à travers toutes ses expériences innombrables, a réalisé le plaisir de la sexualité, le plaisir de ci, le plaisir de ça. Et ce sont ces attaches-là qui ont développé la conscience astrale de l'homme. Et c'est pour ça que pour l'homme qui va vers la mononcialité, qui va vers l'éclatement du corps de désir et qui va vers l'éblouissement de sa conscience en vertu d'un autre principe qui est le corps éthérique, ce corps de désir-là ne peut plus exister en fonction de l'esprit de l'intelligence de l'âme. Il ne peut exister qu'en fonction de l'intelligence de l'homme en relation avec la personne de l'homme pour le bénéfice d'équilibrer ses principes sur le plan matériel. C'est pour ça que je dis que la sexualité vécue par un homme conscient et la sexualité vécue par un homme inconscient, pas pareil. La sexualité vécue par un homme conscient n'est pas le produit du corps de désir. Elle est le produit de l'intelligence de la personne pour balancer ses corps sur le plan matériel. Parce qu'il est dans la matière. Tandis que la sexualité pour un homme inconscient est en fonction du corps de désir situé dans la conscience astrale qui est la totalité de l'appétit créé par la conscience animale de l'homme. Parce que la conscience animale de l'homme, elle est totalement mémorisée. Elle est totalement intégrée dans la mémoire astrale. Fait que c'est deux sexualités différentes. Un homme conscient et un homme inconscient ne vivent pas la même sexualité. Elle est vécue pareillement sur le plan astral, mais elle n'est pas vécue pareillement en fonction de l'intelligence de la personne. C'est pour ça que je dis qu'un homme conscient peut vivre beaucoup plus réellement sa sexualité qu'un homme inconscient, mais il ne la vivra pas de la même façon. Parce que la sexualité pour un homme conscient peut être beaucoup plus subtile que pour un homme inconscient. Beaucoup plus subtile. Le toucher du corps, simplement le toucher du corps pour un homme conscient, ça peut faire partie de l'astralité sexuelle de ce centre-là. Tandis qu'un homme inconscient va avoir besoin bien plus qu'un de se toucher au bout du doigt. Parce qu'il a besoin de plus d'impressions. Parce que quoi? Parle-moi donc de ça, toi, Ghislaine. Parce qu'il est moins sensible. Effectivement. C'est parce qu'il est moins sensible. Il va agir au niveau des... Il va pas agir au niveau de son système nerveux. Tandis que la sexualité, pour un homme conscient, va aller même au niveau de son système nerveux, le toucher une main. C'est beaucoup plus intense. C'est plus dense. C'est plus dense, ouais. C'est beaucoup plus... Pour l'autre, c'est plus mécanique. La sexualité, elle est présente là où deux corps éthériques se rencontrent. Automatiquement. Tu sais, c'est comique l'affaire de sexualité parce qu'il y a tellement eu de taponnage là-dedans, puis les hindous sont minés là-dedans. T'sais. Mais la sexualité, ça c'est bien subtil. Moi, je veux pas en parler trop parce qu'encore on m'a créé des champs de tension. On va vous dire une chose. Bon, on dit que chaque torchon trouve sa guenille, OK? Fait qu'un torchon qui rencontre sa guenille, tu sais, des fois, tu vas rencontrer un gars à la rue, tu vas dire, tu peux pas croire que ce gars-là est avec cette fille-là ou cette fille-là est avec ce gars-là. T'sais. Il est tout croche, tu sais, il n'y a pas d'allure. T'sais. Il est pas beau, la forme n'est pas réellement développée. Alors, elle le trouve beau à cause de sa sensibilité à elle. Comme lui, il peut la trouver belle à cause de sensibilité. Hein? Mais plus tu sensibilises, plus tu sensibilises, ce qu'on appelle, nous autres, la beauté corporelle, ça change aussi. Physique, corporelle. Fait que ce qui est beau pour un homme conscient, c'est ce qui fit. OK, ça c'est le mot juste. Ce qui est beau pour un homme conscient, c'est ce qui fit. Puis laisse-moi te dire qu'un homme conscient ou une femme consciente qui va garder un homme ou une femme, s'il y a la moindre chose qui ne fit pas, ça ne dérangera pas une autre personne. Mais lui, ça va le bloquer net. Il n'y a rien à faire. C'est comme quel homme? Laisse-moi finir ça, là. Pis c'est ça qu'ils se servent, eux autres, pour contrôler les relations humaines. Fait qu'il s'agit qu'ils te mettent dans la tête que tu as un petit piton ici, c'est final, Charlie. Comment qu'elle sera bien fine, puis bien belle. Allez, petit piton, là. T'es barré. Tu vois un que le petit piton. Puis dans notre expérience inconsciente, on réalise ça des fois. C'est comme ça qu'ils contrôlent. C'est tellement extraordinaire que éventuellement, c'est tellement vrai ce que je vous dis, là. Qu'un jour, vous allez réaliser que c'est de même. C'est parce que nous autres, on ne fait même pas. Dans le cinquième reste, il n'y a pas encore de sexualité. Il y a de la sensualité. C'est pour ça que Freud disait toujours que tout est sexuel. Mais ce n'est pas vrai que c'est sexuel dans le cinquième reste. C'est de la sensualité. OK, je vais te dire une chose. Il y a une grande différence entre la sensualité et la sexualité. La sexualité, il n'y a rien là. C'est pas le cas pour l'homme. La sexualité, il n'y a rien. Où le plaisir est au niveau du corps éthérique, c'est dans la sensualité. C'est la sensualité qui active les centres d'énergie et qui donne éventuellement ce qu'on appelle la sexualité. Mais les gens sont tellement brutaux dans leur sensibilité, il y en a tellement plus de sensibilité, qu'ils cherchent tout de suite la sexualité. Au lieu, parce que faut être... Plus t'es conscient, plus t'es patient, plus tu veux. Mais le fun que t'as, c'est pas le fun que t'aurais eu quand t'étais inconscient. C'est une autre sorte de fun. Puis c'est un fun juste à la surface de la peau. Puis éventuellement, si les conditions se prêtent, là, ça va finir par la sexualité. Parce que la sexualité, c'est la fin de la sensualité. C'est le but, c'est le terminus. Il n'y a rien là. C'est plate, la sexualité. C'est dans la sensualité que le plaisir est. Puis la sexualité, c'est ce qui dure le moins longtemps parce que c'est ce que vous appelez, vous autres, comment vous appelez ça? L'orgasme. C'est la fin, là. C'est la fin. Mais le plaisir, il est dans tout ce qui vient avant. La préparation. Bon, vous autres, vous appelez ça la préparation. Mais dans le fond, c'est pas de la préparation. Vous autres, vous parlez de préparation parce que vous avez l'idée d'en faire. Tu comprends? comprends? C'est subtil. Qui est là l'erreur? Mais quand tu parles de sensualité, tu parles pas de la sensualité que je viens de parler. Quand toi tu parles de sensualité, là, c'est comme les approches des corps éthériques qui vont s'aligner en c'est toi. Ça. Ça, tu parles de sensualité. Ouais, OK? Là, ouais, toi, ouais, tu viens de dire ça. Ouais. Mais c'est pas le même mot que j'ai dit tantôt, moi, quand j'ai dit sensualité. Quand j'ai dit sensualité, je parlais du plaisir des sens là, dans l'atmosphère. Par exemple, supposons que tu vois un beau gars, tu le vois, tu sais, puis tu as envie de danser avec. Tu as du plaisir. Comment je te dirais, à te faire désirer ou bien à te mettre. Tu comprends-tu, là? Dans les jeux sexuels là, qu'on parle dans la sexologie dite. Ouais, mais ça, c'est pas de la sensualité, ça. Vous autres, vous appelez ça de la sensualité, mais c'est pas de la sensualité. Oui. Ça, c'est le jeu de t'esprit. C'est de la séduction. C'est de la séduction. C'est de la séduction, puis la séduction, c'est un jeu de vote de ton esprit en relation avec son esprit. C'est de la séduction, c'est pas pareil. C'est ça. La séduction. Quand t'es conscient, tu ne peux pas créer de séduction. Parce que quand tu es conscient, tu ne vis qu'au niveau de la sensualité. Oui. Fait que tu n'as pas besoin de séduction. La séduction, c'est une approche psychologique de l'homme pour l'amener à la sexualité. Comprends-tu? Tandis que quand tu es conscient, tu n'as pas besoin de séduction. Tout ce que tu vas vivre, si tu le vis, c'est de la sensualité qui peut éventuellement t'amener à une sexualité, c'est-à-dire pour couper le courant. La sexualité, c'est quand tu coupes le courant de l'hydro. C'est fini. Bah, final. Fait qu'il n'y a rien là. Mais la sensualité, c'est ce que tu peux vivre pendant des heures et des jours, et ainsi de suite, la sensualité. C'est ça. Puis la séduction, mais tu n'as pas. Parce que dans la séduction, il y a toujours une domination quelque part. Parce que dans la séduction, il y a une domination, il y a du mensonge. Parce que il y a un jeu de puissance. Tu es obligé de prendre des atouts psychologiques pour contrôler une situation. Exactement. Ils disent que de la séduction, c'est foncièrement mensonger. Ben oui. Parce que tu es obligé de faire créer un mensonge, parce que tu es obligé de créer des impressions pour que l'autre vienne à toi. C'est jouer avec les illusions. C'est ça. Exactement. C'est, bon, exemple, la séduction. Tu vas voir ça chez les jeunes, des fois. Faire la cour, c'est de la séduction. La cour, c'est différent. Parce que dans la cour, il y a une certaine naïveté. Quand tu fais la cour, quand tu es jeune. Non, mais moi, c'est parce que j'ai pas les animaux, même, en tête. Ouais, OK. Mais on laisse faire les animaux, là. Parce que les animaux, c'est sont régis par d'autres lois. Mais quand faire la cour, c'est approcher l'être opposé dans une perspective sensuelle, parce que tu regardes les jeunes, là, les vierges, là, les petites filles là, qui ont 17 ans, là, puis les petits jeunes, ils n'ont pas d'expérience, ils se touchent. Ils ont 13 ans. Wow, je ne sais pas, 13 ans. Ils vivent une sensualité. Et dans cette sensualité-là, il y a... Comment tu appelles ça? Faire la cour. Ça fait partie de faire la cour. Il y a un... C'est pas un jeu. Non. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage parce que leur émotionnel et leur mental n'a pas l'expérience que des gens de 25-30 ans ont. Alors, faire la cour, c'est quand tu es jeune. Tu fais pas la cour quand tu as 40 ans. Quand tu as 40 ans, tu cours. Voilà. C'est une approche. Quoi? Ouais, évidemment. Évidemment. Je parle d'un genre, d'un homme conscient, je parle pas nécessairement de. Je parle d'un homme conscient. Parfois, il y a des personnages, cet échange de sensualité. Quand tu n'as pas la gang de séduction, pouvoir, là, ça fait comme un mélange. Ça fait comme des éclairs. Tu n'as pas besoin de séduction pour vivre ta sensualité qui t'amène à la sexualité. Des fois, elle peut se vivre sans sexualité. La sensualité peut se vivre sans sexualité, mais la sensualité, éventuellement, va mener à la sexualité. Ouais. Mais toi, quand tu parles de sensualité... Là, quand, je parle de conscience, quand tu es conscient. Quand tu es conscient, tu fais jamais rien. Fait que si tu vis la sensualité, éventuellement, elle va mener à la sexualité pour que le courant soit coupé complètement. Parce qu'un jour, il faut que le courant soit coupé. Quand tu parles de sensualité, là... C'est comme pour moi, tout le mot qui conviendrait davantage, ça serait la sensibilité. C'est des corps éthériques. La sensualité dont je parle, c'est la sensibilité des corps éthériques. C'est ça. Qui amène les corps physiques à être ensemble, puis ça, quand ils sont rendus ensemble, c'est terminé. C'est ça, exactement. Ça lâche là. Ouais. Ouais. Puis ça, là, ça n'a plus de fonction de reproduction. Non. Non, c'est purement pour balancer les énergies. Oui. Parce que la sensualité, ça fait appel aux sens. Tu sais, à nos cinq sens, là. Ça bon, c'est l'affaire de dictionnaire. C'est ce qui nous garde jeune. La sensualité, c'est la sensibilité des corps éthériques. C'est ça. Mais d'ailleurs, on doit en vivre certaines. Puis la sensualité, c'est pas un grand homme, pas une femme. Ça peut être un homme. Moi, je la vis, la sensualité, est mélangée avec de l'amour intérieur, avec Kuroto. Des fois, j'y mets la tête, la main ici, là. C'est comme si je l'aime tellement, là, ça devient de la sensualité. C'est son corps éthérique avec mon corps éthérique. Tu te sers toujours de tes corps de pouvoir pour exprimer le plus haut. Ouais, c'est exactement. Pour ça que quelqu'un ou des fois, je vais pincer les joues, ça c'est la sensualité. Mais qui est lié à une, qui fait partie d'une affection, qui fait partie de l'amour, et ainsi de suite. Ça va loin, l'affaire. Mais d'ailleurs, la sensualité, c'est toujours bien avec cette personne-là. Tout le temps. Ouais. Ça met à nous vibratoire. Ouais. C'est tout le temps bien. C'est harmonieux. Ouais. C'est pas pourquoi, mais ça se passe bien. Ouais. La sensualité, c'est le jeu de personnalité. La quoi? La sensualité, parce que c'est ça le mot sensualité, là, on l'envoie dans le sens du jeu de la personnalité. Du jeu de deux personnalités. Plutôt que toi, tu envoies sensualité dans le jeu de la personne envers la personne qui va venir en fait. Ouais, mais quand elle dit que la sensualité, c'est. Quand elle dit que la sensualité, c'est le résultat de la sensibilité des deux, de deux corps éthériques. De la séduction. C'est une game de l'ego, de deux égos. Ouais. Puis quand tu n'en as pas, à tout part, tu le sais. Ah. Tu n'en avais pas. C'est ça, l'autre. Ouais. C'est ça, c'est juste ça. Ouais. Mais il est possible que nous autres, quand même, on vive des expériences, même en vivant notre conscience, avec des gens qui sont inconscients. Comme pour balancer des affaires. Oui. Comme si, de la même façon, tu peux avoir une rage de lignettes. On en a un peu de lignettes. C'est que, dans la séduction, il y a toujours le jeu de la loi d'impression. Dans la séduction, c'est la loi d'impression. Définitivement. Ouais. Tandis que dans la sensualité dont je parle, c'est pas une loi d'impression, c'est une loi de contact entre deux corps, subtil.